They done it, fed this cat up on a leader. Les dents qui affichent encore le goût pour la morale. Et pas de monnaie, on laisse dans les rampilles. Ça vole, ça vaut tout pour au-delà. Le grand mal a de l'aura. Ouais, il voit bien qu'on veut l'entraîner vers là. On it.